Il y manque un lit, dit Rastignac. Oui, monsieur, dit-elle en rougissant et lui serrant la main. Eugène la regarda et comprit, jeune encore, tout ce qu'il y avait de plus d'air vrai dans un cœur de femme aimante. Vous êtes une de ces créatures que l'on doit adorer toujours, lui dit-il à l'oreille. Oui, j'ose vous le dire, puisque nous nous comprenons si bien. Plus vif et sincère est l'amour, plus il doit être voilé, mystérieux. Ne donnons notre secret à personne. Oh, je ne serai pas quelqu'un, moi, dit le père Goriot, en grognant. Vous savez bien que vous êtes nous, vous. Ah, voilà ce que je voulais. Vous ne ferez pas attention à moi, n'est-ce pas? J'irai, je viendrai, comme un bon esprit qui est partout, et qu'on sait être là, sans le voir. Eh bien, Delphinette, Ninette, Dedel, n'ai-je pas eu raison de te dire? Il y a un joli appartement rue d'Artois. Meublons-le pour lui. Tu ne voulais pas. Ah, c'est moi qui suis l'auteur de ta joie, comme je suis l'auteur de tes jours. Les pères doivent toujours donner pour être heureux. Donner toujours, c'est ce qui fait qu'on est père. Comment ? Dit Eugène. Oui, elle ne voulait pas. Elle avait peur qu'on ne dise des bêtises, comme si le monde valait le bonheur. Mais toutes les femmes rêvent de faire ce qu'elle a fait.